إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue dans notre explication des fondements de la da'wa salafia, le cours numéro 30 aujourd'hui, et on était arrivé au point où le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali explique yani, des choses au sujet justement du manhaj de Sayyid Qutb et de ses égarements, et il dit donc, et ça c'est des points qu'il mentionne qui sont très importants. Il dit min ashadd al harakat wal ahzab allati tad'i al islah ashadduha nikayatan ala al islam wal muslimin hadhihi al harakat al siyasiyya allati tad'i annaha tahmil humum al umma wa annaha tas'a li inqadhiha min al hawan wal dhull walakinaha ma al asaf lam ta'ti al buyuta min abwabiha ولم تسلك طرق الإصلاح التي شرعها الله لأنبيائه ورسله من عهد نبي الله نوح إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته ومن هذه المناهج البعيدة عن منهج الأنبياء في الإصلاح العقائدي والعبادي والسياسي منهج سيد قطب الذي ما زاد الناس إلا بلاء بل ودمارا فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعبادات وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف. Donc, le cheikh, il résume donc, en fait, il dit que parmi les mouvements et les partis qui appellent ou qui prétendent appeler à la réforme et qui font plus de tort aux musulmans et à l'islam, il y a les différents mouvements politiques qui prétendent avoir un intérêt pour le sort des musulmans et pour qu'est-ce qui arrive aux musulmans comme malheur et soucis. Et le cheikh, il dit que ils veulent faire des efforts pour essayer de les sauver de l'humiliation qui affecte la Ummah, mais malheureusement, elles n'ont pas emprunté le bon chemin pour y arriver. Lam ta'til buyut min abwabiha, c'est-à-dire, ils ne sont pas rentrés dans les maisons par la porte. Hein? C'est une phrase, c'est tiré du verset dans le Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, c'est-à-dire rentrer dans les maisons par leurs portes. Par les portes, c'est-à-dire, les ulama parfois ils vont citer ce verset ou cet exemple pour comme faire une parabole dans le sens de dire que si tu veux faire quelque chose, ben prends les bons moyens pour y arriver. Prends les moyens qui sont légaux et qui sont islamiques. Donc c'est ça ce que le cheikh il veut dire ici. C'est-à-dire de suivre les méthodes et les voies que Allah a légiférées et qu'il a révélées à ses prophètes et à ses messagers pour faire la réforme. Depuis l'époque du prophète d'Allah, le prophète Nuh alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre les prophètes, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et messagers, et donc, c'est-à-dire d'appeler les hommes au tawhid et à son adoration, au tawhid d'Allah et à son adoration. C'est ça le manhaj des prophètes. C'est pour cette raison-là qu'ils sont venus sur la terre, que Allah les a envoyés sur terre pour prêcher le tawhid aux hommes et pour les sauver de du shirk et de l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc ces groupes-là et ces organisations-là, ils n'ont pas pris ça comme étant la priorité pour eux dans la da'wa. Eux, pour eux, la da'wa, ça commence par les questions politiques et toutes ces affaires de politique. Donc, c'est pas la méthode des prophètes qu'ils suivent. Et le cheikh, il dit ensuite donc que ces différentes méthodologies sont loin de la méthodologie des prophètes dans la façon de réformer les croyances et l'adoration et la politique. Ils suivent, parmi ces différentes méthodologies-là, il y a le manhaj, ou la méthodologie de Sayyid Qutb, qui n'a fait que ramener du malheur à la Umma et de la destruction. Et ce manhaj, il prétend vouloir établir le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et appeler les hommes au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité, ils n'ont que le refus du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les différentes questions de croyance et dans les questions d'adoration et dans la façon de comprendre les textes du Coran et les textes de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il renferme en lui-même également, ou ce manhaj, il renferme en lui-même également le refus de revenir à Allah et à son messager dans les jugements au sujet des divergences. Donc, ce que le cheikh ici explique, c'est très important en fait, et pour clarifier un peu plus cette signification-là, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont pensé que le fait d'appeler au jugement d'Allah et d'appliquer la charia d'Allah, que c'est juste dans les questions qui ont rapport avec, par exemple, le fait d'appliquer les peines dans les pays musulmans, qu'on établit la charia dans le fait que lorsqu'il y a un crime qui se commet, eh bien on va appliquer sur les criminels les peines qui ont été prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna et dans le Coran et dans la charia. Donc, ils pensent que ça se limite uniquement à ça, l'application de la charia, et de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala dans les questions de jugement, que c'est juste dans les questions de conflit ou des problèmes entre deux personnes, on va juger selon la charia. Et en ce qui concerne le fait de juger selon la charia d'Allah et d'appliquer le jugement d'Allah dans les questions de croyance entre les différentes sectes pour savoir laquelle est en accord avec le Coran et la Sunna et laquelle a contredit le Coran et la Sunna, par exemple dans la aqida, quand on retourne à la aqida et on voit toutes les différentes sectes, eh bien il faut retourner à Allah et au jour dernier dans ces il faut retourner à Allah et à son messager dans ces divergences là si on croit réellement à Allah et au jour dernier. Sinon, on n'a pas réellement appliqué la hakimiyya d'Allah. Donc, ce n'est pas juste dans les questions de peine. Hein? Si tu veux savoir qu'est-ce qui se rapporte avec la aqida des Jahmiyyah, la aqida des Mu'tazila, la aqida des Asha'ira, la aqida des Shia, la aqida des Rafida, la aqida des Khawarij, hein? Tu dois juger entre ces différentes sectes selon le Coran et la Sunna pour distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, et pour t'accrocher au Coran et à la Sunna et suivre la voie des salaf al-salih dans ces questions-là. Mais eux, ils ont mis ça de côté et ils ont dit non, on accepte les divergences dans la croyance, c'est pas grave. Hein? Et dans les questions qui ont rapport avec les adorations, eh bien, il y a des groupes de bid'ah comme les soufiyines qui amènent des pratiques qui sont contraires à l'islam, comme le fait de faire le dhikr de la façon des soufis en groupe ou avec de la musique ou avec de la danse, hein? Ou bien le fait de, par exemple, croire en wahdatul wujud ou croire en des questions de hulul, ou bien de ramener, par exemple, des célébrations qui sont innovées, qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme la célébration du Mawlid al-Nabawi, de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de la célébration de l'Isra wa al-Mi'raj, la nuit de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son voyage nocturne, ou bien la célébration des différents hommes pieux et des hommes et des saints, et le fait de construire des mausolées ou des mosquées ou des lieux d'adoration sur les tombes. Tout ça, c'est des innovations. Ils ne veulent pas juger selon le Coran et la Sunna dans ces questions-là. Au contraire, ils contredisent le Coran et la Sunna, et ils pensent parfois même que ces choses-là sont des choses correctes. Donc, où est-ce qu'il est la hakimiyya d'Allah? Hein? Alors que dans ces groupes-là, comme le groupe des Ikhwan, et dans les tendances comme celle de Sayyid Qutb et tout, eh bien tu trouves des choses justement de ces différentes bid'a et de ces différentes sectes et de ces différents égarements. Hein? Donc ça c'est très grave. Et également dans la façon de comprendre les textes, parce que chez eux on retrouve beaucoup d'entre eux qui sont sur la voie des gens de Kalam et sur la compréhension des textes selon la voie des Mu'tazila, qui prennent leur logique et qui établissent leur logique comme juge sur la raison, sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils rejettent de la révélation ce qui n'est pas en accord avec leur désir, et ils acceptent de la révélation, mais ils acceptent parfois même qu'est-ce qui est contraire à la vérité dans leurs différentes opinions parce que c'est en accord avec leurs opinions personnelles, mais quand c'est des choses qui sont claires dans la religion, qui sont contraires à leur passion, eh bien ils le rejettent, ou bien ils cherchent à déformer le sens et la signification. Donc ils n'acceptent pas de revenir à Allah et à son messager dans les jugements dans les questions de divergence. Donc le cheikh il dit ensuite: wa laqad qama al-ulama bi naqt hadhihi al-afkar wa al-dalalat wa min abrazihim الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي في الكتب الآتية أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، ثانيا مطاعن سيد قطب في الصحابة، ثالثا العواصم مما عند سيد قطب من القواسم، رابعا الحد الفاصل بين الحق والباطل، خامسا نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن، سادسا مقال طويل في أطوار سيد قطب في وحدة الوجود، وسابعا ينبوع الفتن والأحداث، مقال حول كتاب لماذا أعدموني. فعلى كل مسلم يريد أن يقف على حقيقة سيد قطب أن يقرأ هذه الكتب والمقالات لفضيلة الشيخ Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Donc le cheikh il explique qu'il y a des ulama, alhamdulillah, qui se sont levés et qui ont critiqué et réfuté les différentes idéologies et les différents égarements de Sayyid Qutb. Et parmi les savants les plus connus, parmi les grands savants qui ont réfuté les idées de Sayyid Qutb dans ses livres, il y a le cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali dans son livre, dans ses différents livres. Et parmi les livres qu'il a mentionnés, il y a le premier qui est Les Lumières islamiques sur la aqida de Sayyid Qutb ainsi que sa pensée. Ça c'est le premier livre. Et le deuxième c'est les attaques de Sayyid Qutb envers les Sahaba. Ça c'est le deuxième. Le troisième, Al-Awasim mimma fi Qutb Sayyid Qutb min al-Qawasim. Ça veut dire les points qui vont te protéger contre les choses qui viennent briser le dos dans les différents livres de Sayyid Qutb. Donc les choses qui te font tomber dans l'erreur, eh bien si tu lis ce livre-là, il y a dedans des preuves et des clarifications et des explications qui vont te protéger contre ces égarements-là. Al-Awasim min al-Qawasim. Ensuite le livre 4 c'est Al-Hadd al-Fasil بين الحق والباطل, c'est-à-dire la ligne qui vient trancher entre la vérité et le faux. Et ce livre-là, c'est un des très très bons livres qui a été écrit par le cheikh pour réfuter les idées de Sayyid Qutb. Et c'est une lettre en fait qui a été écrite pour réfuter les paroles de Bakr Abu Zayd. Bakr Abu Zayd qui avait pris la défense de Sayyid Qutb dans 4 pages qui lui avaient été attribuées et dans lesquelles il disait que il fallait défendre Sayyid Qutb, ou bien il faisait l'apologie de Sayyid Qutb dans ces 4 pages. Et lorsque ces 4 pages là sont sorties, eh bien les gens de Hizbiyya ont utilisé ces 4 pages et ils les ont propagées partout dans le monde, hein, parce que c'était en accord avec leur désir et leur passion. Et donc le cheikh Rabi' Hafizahullah, il a écrit un livre donc pour réfuter Bakr Abu Zayd, pour réfuter ces 4 pages que Bakr Abu Zayd a écrit, et il l'a écrit en combien de pages? 150 pages. Le Cheikh Rabi a réfuté 4 pages en 150 pages. Hein? Donc c'est pour montrer que le Cheikh il a vraiment ramené toutes les preuves et les clarifications pour réfuter Bakr Abu Zayd. Et c'est la méthode des Hizbiyyin. C'est comme ça qu'ils font. Lorsqu'ils veulent défendre quelqu'un, eh bien, ils vont mettre de côté toutes les preuves et les citations et les exemples et les clarifications qui ont été ramenées par les ulama, que ce soit dans les livres de l'individu en question qui a été réfuté, comme cette Qutub ou d'autres. Par exemple, le Cheikh Arabi, qu'est-ce qu'il fait quand il veut réfuter cette Qutub? Il va dans son livre et il mentionne donc les paroles de cette Qutub avec la page et l'édition et tout. Toutes les références sont mentionnées. Et là, il cite ses paroles à lui. La personne, elle peut lire ça. Et puis après, le cheikh, il critique et il fait le commentaire sur qu'est-ce qu'il a cité des paroles de cette Qutub pour montrer les erreurs dans la citation. Donc ça, c'est une méthode qui est une méthode scientifique de critique islamique. Et c'est dans le but de réfuter l'erreur et de protéger la aqidah et le manhaj des musulmans. Donc, comment quelqu'un peut venir avec 4 pages défendre des idées de quelqu'un qui sont clairement mentionnées dans un livre avec références et preuves? Et tu laisses ça de côté, tu réfutes pas les erreurs et les égarements, et tu viens juste dire de façon générale, ça c'est quelque chose qui est bon. Maintenant, les ulama ils disent al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Hein? C'est-à-dire que tu peux pas juger quelque chose sauf si tu le connais bien comme il faut et que tu l'as bien compris. Donc si quelqu'un par exemple va demander à un cheikh ou un savant à propos de quelqu'un et que cette personne elle demande au cheikh, est-ce qu'un tel il est bon? Et que le cheikh il répond, il dit oui, il est bon. Le cheikh il a répondu selon sa connaissance. Le cheikh il a répondu à propos de cette personne selon ce qu'il connaissait. Et il a dit qu'elle était bonne. Maintenant tu vas voir un autre cheikh, il a écrit un livre de 150 pages pour montrer l'égarement d'un individu. Hein? Et là, tu vas demander à ce cheikh, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon? Tu dis, l'autre cheikh, il a dit qu'il était bon, cheikh. Donc, moi, je prends sa parole. Et là, l'autre cheikh, il te dit, oui, mais lui, il t'a dit qu'il était bon. Est-ce qu'il t'a mentionné, est-ce qu'il est au courant des détails, des erreurs de cette personne? Qu'est-ce qu'il a ramené en détail? Oui ou non? Hein? Là, il peut pas s'échapper maintenant. Parce que tu demandes à la personne, est-ce que ce cheikh, il est au courant de toutes les erreurs que la personne elle a dans ses livres et dans ses cassettes? Si le cheikh il répond non, alors là, dans ce cas-là, tu peux pas te baser sur la parole de ce cheikh pour le défendre, puisqu'il n'a pas répondu aux éléments qui sont présentés pour montrer l'égarement ou l'erreur de la personne dans ces différents points-là. Tu peux pas faire semblant de ça. Et c'est comme si je veux vous donner un exemple encore plus clair dans quelque chose de concret que vous pouvez tous comprendre. Et c'est comme si, par exemple, on va dire que il y a un frère que il veut, par exemple, faire une affaire de commerce avec toi. Mais toi, tu le connais pas en détail, ce frère-là. Tu sais juste de façon générale que c'est un frère qui est correct. Parce que tu le connais pas depuis longtemps et tu l'as pas côtoyé beaucoup, donc tu dis ce frère-là il est bien, il m'a pas montré rien de mal. Sauf qu'il y a un autre frère qui a vécu avec cette personne pendant 15 ans et qui connaît la réalité de cette personne de A à Z, qui a vécu avec lui, qui a voyagé avec lui, qui a fait des affaires avec lui, hein? Et lui, il vient te voir, il te dit fais attention à cette personne parce que il est de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et il t'amène des preuves. est-ce que tu peux dire, moi je vais juste me baser sur l'autre qui a dit qu'il est bon, il le connaît depuis quelques mois, tandis que l'autre qui a vécu avec lui 15 années, il connaît tout de la personne, et tu dis, moi je me base sur l'autre, je ne me base pas sur lui, est-ce que ça serait raisonnable de faire ça? Non. Donc, c'est la même chose pour quelqu'un quand il dit qu'un individu il est égaré et qu'il ramène les éléments de preuve et les citations et les exemples, et que tu dis non, je ne veux pas prendre lui, qu'est-ce qu'il dit, je vais prendre l'autre, qu'est-ce qu'il a dit de façon résumée, il a dit il est bon, eh bien là t'es malhonnête dans ce cas-là, hein? T'es malhonnête dans ce cas-là, puisque tu mets de côté la vérité et les preuves qui sont présentées contre la personne. Et donc, comme je disais la semaine passée, Yanni, souvent c'est ça la ruse des gens de Bidah. Ils vont voir des chouyours et ils disent aux chouyours que le bien. Alors le cheikh, lui, il juge et il te répond selon ce que tu lui dis. Puisque lui, il a entendu que le bien, il va te répondre, oui, la personne sait bien ce qu'elle a dit. Mais pourquoi tu lui montres pas aussi les erreurs? Pourquoi tu lui dis pas les choses que la personne a dit qui sont contraires au Coran et à la Sunna? Pour que le cheikh, par la suite, il va changer de position. Pour que le cheikh, il va réaliser par la suite que, ah mais non, là, cette personne, tu m'avais pas dit qu'il avait mentionné ça. Tu m'avais pas dit à son sujet qu'il croyait de telle chose ou il disait telle chose. Là, c'est plus la même chose maintenant. Maintenant, je suis obligé d'avertir contre lui. Maintenant, je suis obligé de mettre en garde contre lui parce que tu m'as donné des informations à son sujet que j'avais pas au tout début et qui font en sorte que je suis obligé maintenant d'avertir. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Donc, ceux qui se basent sur les pages de Bakr Abouzaid pour défendre cette photo, demandez-leur, avez-vous vu, est-ce que vous avez lu la réponse, parce que Bakr Abouzaid, il a écrit son livre pour répondre au Cheikh Rabia. Il a écrit ses 4 pages pour répondre à Cheikh Rabia qui lui a demandé de lire son livre Adwa Islamiyya ala aqidati Sayyid Qutb wa fikrihi. Donc Cheikh Rabia, qu'est-ce qu'il a fait quand il a fini son livre? Il l'a envoyé à plusieurs ulama, plusieurs chouyours, pour que les chouyours lisent ce livre, pour qu'ils donnent au Cheikh Rabia des conseils par rapport à ce livre, pour savoir est-ce que ce livre-là, il est correct, et est-ce qu'il n'y a pas des choses à ajouter, ou à enlever, ou à corriger, ou bien donner une nasiha. Alors, Cheikh Rabia l'a envoyé à plusieurs des ulama, Cheikh Ibn Baz, et Cheikh Al-Fawzan et plusieurs d'autres mashaykh aussi, hein, Cheikh Zayd Al-Madkhali et d'autres, et les chouyours qui ont lu le livre à qui il l'a envoyé, ils ont répondu au Cheikh Rabi avec des messages positifs et ils ont été satisfaits du livre, hein. Et après Bakr Abouzaid, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à Cheikh Rabi. Il lui a dit, ah, j'espère que tu veux pas publier ce livre. Yani, c'est un livre dans lequel il y a de l'injustice. Il y a ci, il y a ça. Il commence à essayer de défendre Sayyid Qutb puis à contredire ce que Cheikh Rabia a mentionné contre Sayyid Qutb en 4 pages. Eh bien, Cheikh Rabia, il lui a répondu à chacune de ses objections du début jusqu'à la fin, avec les exemples, les preuves et les citations pour montrer à Bakr Abouzaid que son jugement il était injuste. Donc il a écrit ce livre qui s'appelle Al-Hadd al-Fasil bayn al-Haqq wal-Batil. Ensuite il y a le livre qui s'appelle Nazaratun fi Kitab al-Taswir al-Fanni lil-Qur'an, c'est-à-dire quelques réflexions sur le livre l'illustration artistique dans le Coran. L'illustration artistique dans le Coran. Le point numéro 6, maqalun tawilun fi atwari Sayyid Qutb fi wahdati al-wujud. C'est c'est un article assez long de la part de Cheikh Rabia qui a été écrit pour montrer les différentes étapes ou les différentes développement, disons, et différentes atoires, c'est-à-dire les différents stades de Sayyid Qutb qu'il a traversé par rapport à la croyance en Wahdatul Wujud. Le point numéro 7, Yambou' al-Fitan wal-Ahdath. Maqalun, donc c'est ça, la source de, des fitan et des événements. Et c'est, c'est un article écrit au sujet du livre de Sayyid Qutb, Limaza Adamouni, c'est-à-dire pourquoi ils m'ont exécuté. Donc le cheikh Rabi, il critique ce livre dedans. Et donc il dit, le cheikh, que le musulman qui veut réellement connaître la réalité de Sayyid Qutb, eh bien qu'il retourne à ces livres-là, les sept livres qu'on a mentionnés, qui clarifient donc les certaines erreurs de Sayyid Qutb. Ensuite, il dit « وراجع كتاب فكر الإرهاب والعنف في المملكة العربية السعودية جذوره أسبابه وعلاجه لعبد السلام السحيمي ومن خلاله تعرف أن جماعة الإخوان المسلمين انقسمت إلى ثلاثة أقسام وهي البنائية والقطبية والسرورية. » Donc, en note de bas de page, le cheikh il dit, retournez au livre La pensée terroriste et la violence en Arabie, dans le royaume de l'Arabie Saoudite. Ses racines, ses causes et, son, et ses remèdes, et son remède. Et il dit que c'est écrit par le cheikh Abdul Salam As-Suhaimi, un des chouyours qui enseigne à l'université de Médine en Arabie Saoudite. Et il dit qu'à travers ce livre, tu vas savoir que le groupe des Ikhwan, il s'est divisé en trois groupes. Le groupe des Ikhwan, il s'est divisé en trois groupes, trois catégories. Le premier, c'est Al-Banna'iyya, le deuxième, c'est Al-Qutbiyya, et le troisième, c'est Al-Sururiyya. C'est-à-dire, Al-Banna'iyya, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Hassan al-Banna. Al-Qutbiyya, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Sayyid Qutb, dans son manhaj de takfir et de khuruj, et ainsi de suite. Et Sayyid Qutb, oui, non, ils forment une secte à eux seuls, mais comme tu vois, toutes ces différentes sectes-là, elles sont interreliées. Elles sont interreliées. Et As-Sururiyya aussi, c'est une autre branche qui découle des frères musulmans. Donc, elles sont, comment il s'appelle? L'autre là, Mohamed Sourour, il fait l'apologie de Sayyid Qutb dans ses livres. Tu vois? Donc tout ça c'est relié. Hassan al-Banna, il a séparé donc ce groupe-là, il l'a appelé al-Banna'iyya, parce que c'était une période, disons, précédant à la période de qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de Sayyid Qutb par la suite. Et Al-Qutbiyya, c'est les livres de Sayyid Qutb, et As-Sururiyya, c'est le manhaj de Mohammed Zain Abidin Surur. D'accord, on en a parlé déjà. Donc, ça vient résumer à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que je disais au sujet, par exemple, tout à l'heure, de la critique et des détails, lorsque quelqu'un, par exemple, a une réplique détaillée? Ça, c'est un principe. Même dans le Jarh al-Ta'dil, les ulama al-Hadith, ils disent que la critique qui est détaillée est la précédence sur une éloge qui est faite de façon générale. Donc s'il y a une critique qui est spécifique, qui est détaillée, et qui a une éloge qui est générale et qui est pas détaillée, dans ce cas-là, la critique détaillée est la précédence sur l'éloge. Hein? Donc ça, c'est important de bien comprendre. Après, le cheikh, maintenant, il parle de Jamaat Tablir. Jamaat Tablir, c'est une autre secte. Donc, ils sont très connus, ils sont un peu propagés dans différents pays, dans le monde musulman. Mais le berceau de ce groupe, c'est en Inde. Le berceau de ce groupe, c'est en Inde. Donc, le cheikh, il dit, Jamaat Tablir, wahidatun min al-jama'at al-da'wiyya al-mawjouda ala al-saha, وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري أي القرن الماضي على يد المؤسس لها محمد إلياس ابن محمد الكندهلوي وهو حنفي المذهب أشعري العقيدة صوفي التربية. Donc le cheikh il dit que Jamaat Tabligh c'est un groupe parmi les groupes qui sont présents sur le terrain de la da'wa actuellement. Et ce groupe-là, il a été fondé dans le milieu du 14e siècle, Hijri. C'est-à-dire, dans le calendrier chrétien, ce serait en 1927 environ. 1927. Et c'est-à-dire donc que c'est dans le siècle passé, dans il dit, c'est un groupe qui a été fondé par Mohamed Elias Al-Kandahlawi. Et cet homme-là, son madhab dans le fiqh, c'est le madhab Hanafi. Sa aqida, c'est aqida Ash'ariya. Mais en réalité, c'est parce que Ash'ari et Maturidi, les deux, c'est presque la même aqida. Donc, on peut dire Ash'ari quand même, puisque il y a quelques petites nuances entre Ash'ara et Maturidi. Les deux, c'est la même chose. Sinon, les Ahnaf sont Maturidi. Les Ahnaf, en général, les gens qui suivent le madhab Hanafi sont des Maturidi et non des Ash'ara. Ok? Mais, donc, c'est ça. Et il est d'une éducation soufie. Donc les Jama'at Tablir, le groupe de Jama'at Tablir, c'est des gens qui ont une éducation soufie et qui prêchent le soufisme et qui ont été établis même pour combattre la da'wa salafia, puisque leur fondement est en contradiction avec les fondements des salafs. Et le fondateur de Jama'at Tablir, il fait partie de l'école de ce qu'on appelle en Inde Ad-Diobandiya. Ok, Ad-Diobandiya, c'est une école qui est en Inde et qui a beaucoup de branches dans différents pays, en Afrique du Sud, en Angleterre et dans d'autres pays également, en Inde. Donc c'est une école parmi les écoles les plus connues en Inde, et c'est une école qui est soufie, ok, qui est soufie et qui enseigne la aqida maturidiya et le madhab hanafi, mais de façon fanatique. Le madhab hanafi, mais de façon fanatique, c'est-à-dire de s'accrocher à ce madhab même si c'est en contradiction avec les preuves. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la courte définition à propos de ce groupe. Ensuite, le cheikh, il dit donc والطرق التي عند هذه الجماعة أربعة وهي الطريقة النقشبندية الطريقة السهروردية والطريقة القادرية والطريقة الجستية. Donc le cheikh, il explique que les groupes soufis, ou les sectes soufis auxquelles cette jama'a est reliée, sont de quatre turuq, sont de quatre groupes ou confréries soufis ou sectes soufis, si on peut les appeler comme on peut les appeler sectes également, parce que ils suivent des principes qui sont contraires aux principes des salafs. Donc quatre, ils sont reliés à quatre turuq soufis. La première, c'est An-Naqshbandiya. Ça fait partie des différentes sectes de soufis. C'est An-Naqshbandiya, la première. Et la deuxième, As-Saharwardiya. As-Saharwardiya. Et Saharwardi, c'était un soufi, philosophe. Il faisait des du'as. Parmi les du'as qu'il faisait, il demandait à Allah de faire de lui un prophète. Donc ça, c'est des exemples. Le point numéro 3, At-Tariqa Al-Qadiriya. Tariqa qui est attribuée à Abdul Qadir Al-Jilani. Malgré que Abdul Qadir Al-Jilani, il est innocent de ce que ces gens-là ont inventé après lui à son sujet. Et ils ont à son sujet plein de fables et de mythes. Donc, il faut juste comme éviter justement ces histoires-là, puisqu'ils disent n'importe quoi. Et en même temps aussi, c'est un homme pieux parmi les hommes pieux et un savant parmi les savants. Abdul Qadir al-Jilani, c'est un savant parmi les savants. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a parlé de lui en bien dans certains de ses livres, et il a mentionné donc qu'il faisait partie des ulama du madhab al-Hanbali. Hein? Malgré que, bon, c'est sûr que si tu vas aller dans ses livres, tu vas peut-être trouver des erreurs, mais sinon, il était quelqu'un qui était yani, connu comme étant un grand savant à son époque. Jamaluddin, son nom c'est Abdul Qadir al-Jilani. Sa tariqa, c'est Al-Qadiriya. Al-Qadiriya, parce qu'ils suivent Abdul Qadir al-Jilani. On continue, inshallah. La dernière tariqa qui est mentionnée, c'est Al-Jistiyya. Donc, Al-Jistiyya, c'est une autre tariqa. Et c'était la tariqa de Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Ok? Et parmi les croyances de cette tariqa, il y a la croyance en Wahdatul Wujud. Hein, comme la plupart des turuq, de toute façon, ils croient que Allah est un, que Allah est mélangé avec sa création, que yani, tout est Allah et que Allah est tout. Hein? Donc ça, c'est des égarements de ces gens-là. Al-Jistiyya. Et puis il y en a beaucoup d'autres que le cheikh il a pas mentionné. Il y a beaucoup d'autres turuq en dehors de ces quatre turuq, mais ça c'est les quatre turuq qui sont affiliés directement avec yani Jamaat Tabligh. Et comme j'écoutais un cheikh qui expliquait, je pense que c'est le cheikh Mohammed ibn Hadi, il expliquait que auparavant donc les turuq soufis, elles étaient toutes séparées et que chaque cheikh il avait sa tariqa et donc les soufis étaient divisés entre eux et ils se combattaient entre eux. Chacun il veut avoir plus de membres et plus de fidèles que l'autre tariqa. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ils ont fondé le groupe de Jamaat Tabligh pour essayer de réunir les turuqs entre elles. Donc, ils ont ramené ces quatre turuqs soufis ensemble et ils ont pris un serment d'allégeance donc sur ces quatre turuqs pour qu'elles travaillent ensemble. Exactement. L'union fait la force, mais dans la bid'a, pour eux, ils pensent que ça fait la force dans la bid'a. Donc, ils se sont réunis entre eux pour défendre la bid'a. Nassallahu al-afiyah. Donc, ensuite, le cheikh il dit, donc, quel est le manhaj de ces gens-là? Manhaj al-da'wa. Manhaj al-da'wa al-tabligh. Qala al-sheikh Sa'd al-Hussein. لا يعرف عن الجماعة إصدار وثيقة واحدة عن منهجها فهي لا تستخدم نظم الإدارة الحديثة في تسيير شؤونها وإنما يتم التخطيط والتنفيذ بالطريقة البسيطية أو البسيطة يعني دون الحاجة إلى الثقافة العالمية. Donc, il explique ici que la méthodologie du groupe de Jamaat Tabligh, c'est quoi? C'est comme le Cheikh Sa'd al-Hussein, il l'a mentionné. Le Cheikh, il dit, قال الشيخ السحيمي حفظه الله الشيخ الحسين عاشرهم فترة وخرج معهم وكان يدافع عنهم ثم كتب حقيقة الدعوة في جزيرة العرب وفيه كشف القناع عن أمورهم Donc il dit que le cheikh Salih al-Suhaimi il a dit que le cheikh al-Hussein il a vécu avec eux un certain temps et puis et même il est sorti avec eux et il les défendait, puis par la suite il a écrit son livre La réalité de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est la réalité de la da'wa dans la péninsule arabe. Oui, c'est ça le titre. Donc, il a écrit ce livre-là. Puis, dans ce livre, il a enlevé le masque que ces gens-là se donnaient, yani, dans leurs affaires. Parce que Jamaat al-Tabligh, d'après ce que j'ai entendu une fois, même le Cheikh Falah Ismail al-Mundakar, il expliquait une fois que lorsque le cheikh Ibn Baz a envoyé une délégation ou bien un groupe de chouyour pour aller inspecter qu'est-ce que font Jamaat al-Tabligh, eh bien c'est comme si en réalité étant donné que c'était une délégation officielle, quand ils sont partis ou bien quand c'était un groupe de personnes de chouyour qui étaient officiels, ils sont arrivés là-bas et eux, les gens de Jamaat Tabligh, eh bien, ils se sont efforcés de ne montrer que le bien et de laisser paraître que les bonnes choses. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ils les ont amenés dans des différentes mosquées, différents centres, et ils lisaient Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et les livres de bien. Donc les gens, les chouyours qui sont partis là-bas pour les voir, ils ont dit: ah, mais ça c'est des gens de bien, tu vois. Donc ils ont écrit un bon rapport. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a d'autres personnes également qui sont fiables et honnêtes, qui ont été par la suite envoyées pour justement pouvoir vérifier si les informations étaient vraies ou non. Et puis on a là, à ce moment-là, relevé la réalité de ce groupe et de leur pratique et de leur croyance. Et on a montré donc que ce sont des gens qui, là-bas, ils ont enterré leur fondateur dans la mosquée où ils ont leur centre, le plus grand centre, le premier centre qu'ils ont établi. Et également que sa femme aussi est enterrée là, et si je ne me trompe pas, son fils aussi, Allahu A'lam. Donc, c'est des gens qui n'opposent pas le fait de construire des mosquées sur les tombes, ou bien de mettre les tombes dans les mosquées, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh il dit, وَلَا يَظْهَرُ. Ah oui, c'est ça. Donc il dit, ces gens-là, ils n'utilisent pas de méthodes bureaucratiques, d'administration moderne pour essayer de gérer leurs activités. Ils font juste comme ça des plans, puis ils les appliquent d'une façon très simple, sans avoir besoin de culture internationale. Ensuite, le cheikh il dit donc, فَلَا يَظْهَرُ مِنْ مَنْهَجِهَا لِلْمُشَارِكِ الْعَادِي فِي نَشَاطِهَا إِلَّا قِرَاءَةِ الصُّوَرِ الأخيرة من القرآن مع فاتحة الكتاب والقراءة في كتب رياض الصالحين وكتب حياة الصحابة للكندهلوي وقصص عن الصحابة لا تثبت وهما للعرب خاصة وكتاب تبليغ نصاب لمحمد زكريا وهو لغير العرب وهو في فضائل الأعمال ويقوم على القصة والحديث الضعيف والموضوع والخرافة والخرافة غالبا ولا يخلو من الشرك. Donc le cheikh explique que la personne qui vient participer avec eux de façon ordinaire, il ne voit pas la réalité de leur manhaj. Excepté qu'ils montrent qu'ils lisent des versets de Coran, les versets qui sont à la fin, puis qu'ils lisent également Al-Fatiha, et ils lisent dans Riyad Salihin et dans le livre La vie des Sahaba écrit par Al-Kandahlawi, et des histoires rapportées des Sahaba qui ne sont pas authentiques. Et donc, ça, c'est deux livres qui sont spécifiquement pour les Arabes. Puis pour les gens de Jamaat Tabligh, il dit « Wa kitab Tabligh al-Nisab ». Donc, eux, ils ont un livre qui s'appelle « Tabligh al-Nisab ». Et ce livre-là, il est écrit par Mohamed Zakaria. Tabligh al-Nisab, il est écrit par Mohamed Zakaria, et celui-là c'est pour les non-arabes, et il est rempli de questions de fada'il al-a'mal, le mérite des actions qu'on fait, et il se base sur quoi? Il se base sur les histoires qui sont racontées, les hadiths faibles et fabriqués. Les hadiths faibles et fabriqués. Et les superstitions et la bid'a en général, et même parfois tu peux trouver même du shirk dans ce livre. Allah musta'an. Donc le cheikh ensuite il dit wa kalam al ulama fi jama'at al tabligh, les paroles des ulama au sujet de tabligh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça c'est tiré du livre al ijabat al muhimma du cheikh Al-Fawzan, et dans la Hashia, c'est-à-dire dans le note de bas de page, il y a les paroles des ulama mentionnées. Donc, premièrement, قال الشيخ صالح اللحيدان الإخوان والجماعة وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة فإن هذه الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف الأمة. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Luhaydan? Il dit, حفظه الله, que le groupe des Ikhwan, les frères musulmans, et le groupe de Jamaat Tablir, ils ne font pas partie des gens qui suivent une méthodologie qui est correcte. Il dit que ce sont des Jamaat, ces groupes-là, et ce sont des noms, ce sont des groupes et des appellations qui n'ont aucun fondement chez les salafs de la Ummah. C'est-à-dire, les salafs de la Ummah, ils ne se sont pas donné ces noms-là, et, yani, ils n'ont pas suivi ces méthodologies-là. La preuve, c'est que Jamaat Tablir s'est fondé par Mohamed Elias, et ça n'existait pas avant 1928. Donc, ça veut dire, c'est une innovation dans la religion, hein. Et, ils ont appelé à des choses qui sont bid'ah, puisqu'ils étaient des soufis. Hein? Hassan al-Banna, c'est un soufi, et Muhammad Elias al-Kandahlaoui, c'est un soufi. Hassan al-Banna, il est ash'ari dans l'aqidah, et bien, et l'autre, Muhammad Elias al-Kandahlaoui, c'est un ash'ari, lui aussi, si on veut, puisque Maturidiya et Ash'ara, les deux, c'est presque pareil. Donc, c'est des gens de kalam, c'est des gens qui suivent la voie des gens de kalam. En ce qui concerne les différentes questions de mazahib, eh bien, la question du mazhab de comment il s'appelle, le mazhab de Mohamed Elias al-Kandahlaoui, c'est un Hanafi fanatique, tandis que l'autre aussi, c'est un Hanafi, mais Allahu a'lam, est-ce qu'il était fanatique ou non? Allahu a'lam. Et il appelait plutôt à qu'est-ce qu'ils prétendent plutôt de ne pas suivre un madhhab précis ou de façon fanatique, mais en même temps avec la passion rajoutée à ça, avec la passion rajoutée à ça, dans le sens que quand ils disent aux musulmans que c'est pas obligatoire de suivre un madhhab, eh bien c'est comme si ils sont en train de dire aux musulmans il faut choisir dans les différents madhhab l'opinion qui correspond le mieux à tes besoins, sans prendre en considération le dalil. Et ça, c'est incorrect. Hein? Parce que nous, on dit, hein, comme les ulama, ils ont expliqué, on a le droit de suivre le madhab du moment qu'on ne le suit pas aveuglément, et on peut prendre dans les différents madhab la position qui est la plus proche de la vérité, parmi les positions des ulama et des imams. Mais si on prend une position autre que la celle du madhab qu'on suit nous, eh bien, c'est pas parce que la position elle nous plaît plus que l'autre, ou bien parce qu'elle nous paraît plus facile que l'autre. Non, on doit choisir cette position. Pourquoi? Parce que elle est plus en accord avec les textes et les preuves que l'autre. Et c'est ça qui doit faire en sorte qu'on distingue entre les deux. Donc ça, c'est les manahij de ces gens-là, qui sont des manahij, des méthodologies de bid'ah, tandis que nous, qu'est-ce qu'on suit? C'est le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salafs. Et ça existait depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelque chose qui est nouveau aujourd'hui. قال الشيخ ابن باز شيخ ابن باز الى دي رحمه الله جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات وعندهم بعض البدع والشركيات فلا يجوز الخروج معهم إلا لإنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم يعني أما إذا خرج يتابعهم فلا. Donc le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il a expliqué que Jamaat Tablir, qui est connu en Inde, ils ont beaucoup de choses contraires à l'islam, des superstitions et des يعني des fausses croyances. Et ils ont également beaucoup d'innovations, beaucoup de bid'a et beaucoup de formes de shirk qu'ils pratiquent. Il n'est donc pas permis, hein, de sortir avec eux, excepté pour une personne qui a vraiment de la science. Dans ce cas-là, il sort avec eux pour les corriger et pour condamner le mal qu'ils font, hein, et pour leur enseigner. Mais de les suivre, hein, de sortir pour les suivre, ça c'est pas permis. De sortir pour les suivre, ça c'est pas permis. C'est juste une personne qui a du ilm, qui est savante, qui va sortir avec eux dans le but de leur enseigner et de leur expliquer l'islam. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, justement, à ce sujet-là, il expliquait, il dit, de toute façon, si tu sors avec eux, ils vont pas te laisser parler du tawhid. Au contraire, ils vont te dire, écoute-nous, hein. Même si souvent ils prétendent qu'ils ont pas de science, et qu'ils ne sont pas des savants, mais qu'ils veulent juste faire la da'wah. Wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, la réalité, c'est qu'ils veulent pas entendre parler du tawhid. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, comme une fois, il dit, nous, on donnait des cours dans la mosquée, en train d'enseigner le tawhid, et eux, ils sont assis dans leur coin, et quand on commence le dars, ils se lèvent et ils sortent. Hein? Ils n'assistent pas au durus avec les ulama. Donc, ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils aiment pas le, yani, ils aiment pas, yani, s'asseoir avec les ulama. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit que Jamaat Tabligh, donc, qui est connu en Inde, elle a tous ses égarements, ses bid'ah, ses shirkiyat, donc, c'est pas permis de sortir avec eux. Ça, c'est le résumé. Maintenant, vous allez peut-être trouver des fatwas de Cheikh Ibn Baz, qui sont anciennes. Hein? Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font, Jamaat Tabligh, c'est ça ce qu'ils font. Ils ont même sorti un livre dernièrement. Le frère Mohamed me l'a montré, c'est un livre dans lequel il mentionne des anciennes fatwas, les fatwas très anciennes de différents ulama qui faisaient l'éloge de Jamaat Tabligh. Hein? Et ça c'était des fatwas anciennes, et on n'a pas le droit de prendre des fatwas des ulama avant, puis de les ramener comme si c'était leur dernière position, puisque ça c'est une malhonnêteté de leur part. Donc, on dit que on prend la position des ulama qui sont les dernières entre leurs positions, pas les positions qui sont venues yani, avant, qui étaient incorrectes ou bien parfois qui étaient basées sur une connaissance incomplète de ce groupe. Donc, lorsqu'ils ont eu la connaissance plus complète de ce groupe, alors là, ils ont mis en garde contre eux et ils ont interdit, hein, de sortir avec eux. Le cheikh il dit, وقال ايضا جماعه التبليغ ليس عندهم بصيره بالعقيده. Donc cheikh Ibn Baz il a dit aussi que Jamaat Tabligh, c'est des gens qui ont yani une compréhension qui n'ont pas de Jamaat Tabligh, c'est un groupe qui n'ont pas de compréhension de la aqida, qui n'ont pas de basira dans la aqida. ensuite, on a posé la question au Cheikh. On a posé la question ensuite au Cheikh Al-Albani, rahimahullah. ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ فقال جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الصالح. فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية تدعو إلى اتحاد الأخلاق، أما إصلاح المجتمع فهم لا يحركون ساكنا، لأن هذا بزعمهم يفرق، فهو أشبه بجماعة الإخوان المسلمين، فهم يقولون إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، ولكن هذا مجرد كلام. Donc le cheikh il cite les paroles de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui a été questionné au sujet de son opinion sur Jamaat Tabligh. Et le cheikh il a répondu, il a dit Jamaat Tabligh, leur manhaj ne se tient pas sur le Coran et sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et sur ce que suivaient les salaf as-salih. Donc la da'wa de Jamaat Tabligh, c'est une da'wa qui est soufia une forme de soufia contemporaine. Donc la da'wa de Jama'at Tabligh, comme il le dit le Cheikh Al-Albani ici, c'est une da'wa qui est soufia, asriya, une soufia asriya, c'est-à-dire une forme de soufisme contemporaine, hein, qui appelle à réunir les comportements, soi-disant les bons comportements. Mais ils sont très loin de la réforme sociale, la réelle réforme sociale, parce que ils croient que de faire la réforme dans son sens réel, ça va diviser les musulmans. La réforme, c'est-à-dire la réforme d'appeler les gens au Coran et à la Sunna et de leur expliquer la aqida et le tawhid. Ils disent que ça divise, hein, et pour eux de ne pas parler de ça, c'est qu'est-ce qui unit. Allahu musta'an. فهم أشبه بجماعة الإخوان المسلمين في فهم يقولون إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة ولكن هذا مجرد كلام. Donc le cheikh il dit que ils ne font rien pour réellement réformer la société, hein? Et ça c'est Aynam. Donc ils ne font rien pour réformer la société. Tu les vois, ils se concentrent dans l'adoration, ils se concentrent dans la prière, dans le bon comportement et des choses de ce genre, mais ils ne parlent jamais du tawhid, ils n'expliquent jamais aux gens la réalité de ce que signifie le tawhid. S'ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, s'ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se limitent uniquement au tawhid, dans la souveraineté d'Allah, tawhid al-rububiyya. Donc le cheikh il dit, il ressemble donc beaucoup au groupe de jama'at d'Ikhwan al-Muslimin, parce que ils disent eux aussi que leur da'wa est établie sur le Coran et la Sunna, mais c'est juste une parole qu'ils disent. Hein, c'est pas la réalité. Non. C'est vrai. Comme le frère il mentionne, il dit qu'un des shuyukh qui a vraiment clarifié la réalité de Jama'at al-Tabligh, c'est un cheikh qui s'appelle Hamoud al-Tawajiri, qui est un des grands shuyukh et un des grands ulama de l'Arabie Saoudite, qui est décédé, rahimahullah. Mais c'était un des ulama qui était très clair et strict avec les gens de Bid'a, et dur comme il faut l'être. Donc la dernière citation qu'on va lire, c'est la suivante, c'est les paroles du cheikh Abdurrazzaq Afifi. يعني سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي عنهم فقال الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرها وخروجهم ليس في سبيل الله ولكن في سبيل إلياس شيخهم في سبيل إلياس شيخهم وهم لا يدعون للكتاب والسنة. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh Abd al-Razzaq Afifi, hein, rahimahullah, c'est un des shuyukh égyptiens qui vivait en Arabie Saoudite, qui faisait partie des shuyukh de, si je ne me trompe pas, c'était des shuyukh qui faisaient partie de Jama'at Ansar al-Sunnah. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la réalité, c'est que ce sont des mubtadi'a, des déformateurs de la religion. Ce sont des gens qui suivent une tariqa soufia, comme la Qadiriya ou d'autres, et lorsqu'ils sortent, leur khuruj n'est pas dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire ils ne sont pas fisabilillah, mais ils sont fisabil Ilyas, shaykhuhum, ils sont dans la voie de Ilyas, ou sur le chemin de Ilyas, et ils prétendent vouloir suivre le Coran et la Sunna. Naam. Donc, ça vient compléter les différentes paroles et citations des ulama au sujet de Jama'at al-Tabligh. Donc, on va s'arrêter ici, puis au prochain cours, on expliquera la suite, c'est la réfutation du manhaj des Haddadiyya. Al-Haddadiyya. Naam. Une des Firaq qui est parmi les plus dangereuses, parce que ils font de la fitna et ils se prétendent salafis. En fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils attaquent les ulama, ils les dénigrent, ils les rabaissent, ils n'ont aucun respect pour eux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.